sépulture. Si par une nuit lourde et sombre, un bon chrétien par charité derrière quelque vieux décombre enterre votre corps vanté, à l'heure où les chastes étoiles ferment leurs yeux appesantis, l'araignée y fera ses toiles et la vipère ses petits. Vous entendrez toute l'année sur votre tête condamnée les cris lamentables des loups et des sorcières faméliques, les ébats des vieillards lubriques et les complots des noirs filous.